Guibert, l'abbé de Nogent-sous-Coucy, venait d'une puissante famille d'un village du diocèse de Beauvais, France. Il perdit son père Ivrard, n'ayant encore que 8 mois, et sa mère se retira dans un monastère lorsqu'il eut 12 ans, lorsqu'il entra dans l'abbaye de Saint-Germain. En 1107, devenu historien bénédictin, et moine de l'ordre de Saint-Benoît, Guibert de Nogent écrivit l'histoire de la première croisade des Francs, Gesta Dei Pe Franco, acte de Dieu par les Francs, ainsi que sa vie, où on retrouve cette révélation divine de sa mère. Ravi de mes heureux progrès, mais redoutant les égarements de mon âge, ma mère me pria sans cesse de suivre son exemple. Elle, que Dieu avait donné tant de beauté, se moquait bien des louanges de sa beauté, et chérit son veuvage par révulsion au devoir douloureux de femme. Pourtant, ô Seigneur, tu sais quelle loyauté, quel amour elle rendit à son défunt mari. Ses sacrifices quotidiens dans la prière et les larmes. Ces aumônes qu'elle s'efforçait, sans cesse, pour libérer l'âme de son mari, en prison à cause des péchés. Par la merveilleuse disposition de Dieu, il advint qu'elle avait de fréquentes visions des douleurs qu'il endurait dans son purgatoire. On ne pourrait douter de telles visions venant de Dieu, sans aucun trait pervers, ni prétention sur la vraie beauté de la vie, mais un adon seul à la prière et à l'aumône, à la vue des souffrances et du châtiment. Car quand le recours aux offices divins sont clairement sollicités par les morts, et par les anges même qui se préoccupent des fidèles défunts, cela prouve suffisamment que ces choses viennent de Dieu, car les esprits impurs ne conseillent pas à l'homme de sauver son âme. Ainsi à ces signes annonciateurs des flammes qui tourmentent les âmes, l'attention de sa bonne âme s'alluma de nouveau, dans un constant effort d'intercession envers son défunt mari. Aux matines d'un été, après une nuit d'un dimanche, elle alla se reposer sur son petit banc et tomba endormie. Son esprit quitta son corps, sans perdre ses sens, et elle fut aspirée comme dans un couloir. Sachant avoir quitté son être mortel, elle pria Dieu de l'autoriser à retourner dans son corps. Sortie enfin du couloir, elle s'approcha au bord d'un gouffre, et vit des êtres bondir hors des profondeurs. Leurs cheveux étaient pleins de vers, ils tendirent la main pour se saisir d'elle, et l'entraîner dedans. Elle en fut effrayée, mais derrière elle une voix cria « Ne la touchez pas !» Déboutée par cet ordre, les ombres replongèrent aussitôt dans le puits. Puis ma mère vit mon père sortir sous les mêmes traits que lorsqu'elle se maria avec lui. Elle lui demanda s'il était Évrard, son regretté mari. Mais mon père répondit par la négative, bien que ma mère était certaine. Elle lui demanda alors où il habitait, et il fit comprendre qu'il n'habitait pas loin. Puis il lui découvre le bras, ainsi que le côté, pour montrer combien ils étaient déchirés, meurtris par lacération. Elle lui demanda si la prière, l'aumône, et la messe, lui apportaient quelque soulagement, vu qu'elle l'offrait fréquemment pour lui. Il répondit que oui. Dans sa jeunesse, mon père s'était éloigné de la relation légitime avec ma mère suite aux mauvais conseils de Jean, qui voulait qu'il ait de possibles relations avec d'autres femmes. Il avait suivi leurs conseils, et eut un enfant qui mourut avant de se faire baptiser. Par le déchirement du côté, on entend la rupture du vœu de mariage, et par les cris stridents de l'enfant, le péché transmis par le parent. Ô Seigneur, bonté inépuisable, tel est ton châtiment sur l'âme du pécheur. Ma mère aperçut aussi un jeune enfant qui pleurait très amèrement et dit « Seigneur, comment peux-tu supporter les pleurs de cet enfant? J'endure, que je veuille ou non. » Ma mère, qui se consacrait à apporter de l'aide à mon père, prit conscience que la vision des cris de l'enfant s'accordait au fait. Simili ergo, similibus objectant, aux similitudes même remède, elle adopta un enfant de quelques mois ayant perdu ses parents, décidé de se soumettre aux inconvénients qui en découleraient. La nuit, les pleurs de l'enfant faisaient rage, et harassaient ma mère autant que les servantes. On pouvait à peine dormir dans la même pièce que lui et les recrues infirmières secouaient le hochet, nuit après nuit. mais le jour fut bon, pour jouer et dormir tour à tour. Plus ma mère endura l'épreuve du nourrisson irrité, plus l'emprise des démons sur son mari fut combattue. Évrard lui avait aussi dit « En votre vie, Léonard ». Elle comprit à ce nom ce qui lui fut demandé de pratiquer, en mémoire du dit martyr Léonard. Ma mère aperçut aussi au-dessus du gouffre, un certain chevalier Reynold, de réputation insignifiante, ce même jour de dimanche lorsqu'il fut tué par les chanoines de Balvassy. Dans la vision, il avait les joues saillantes en avant, entassées à genoux, où un feu s'éleva. À midi, il mourut condamné aux flammes qu'il avait allumées par ses désertions. Ma mère fut avertie le jour même de son assignation au bas-lieu du châtiment. Elle vit aussi une aidante, qui avait prêté un abominable serment par le Saint-Sacrement du divin corps et sang. On entend par là, jurer en vain, prenant à faux le saint nom des mystères sacrés. Dans la même vision, elle aperçut une vieille femme avec qui ma mère avait vécu. Il fut dit qu'elle ne s'était pas assez gardée contre l'envie de vaine gloire, ayant souvent mortifié son corps, mais uniquement pour l'extérieur. Sur le point de mourir, cette vieille femme se vit avec d'autres aller dans un temple, semblant porter une croix sur les épaules, mais arrivée au temple, les portes lui furent fermées, contrainte de rester à l'extérieur. Elle avait vu au pied de son lit, un horrible diable de taille monstrueuse, qui fut repoussé en invoquant le Saint-Sacrement, ceci au moment même de sa mort. Ma mère et elle s'étaient engagées d'apparaître à leur mort à la survivante, suivant le bon plaisir de Dieu, pour faire connaître sa condition, bonne ou mauvaise. À sa mort, cette femme apparut comme une ombre, emportée par deux sombres esprits. Quelqu'un d'autre l'aperçut au milieu d'une grande puanteur, et qui la remercia de ses prières, pour lui avoir épargné le supplice de la décomposition.